Après-midi sera accompagné par Histoire Vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. Cette semaine, la Turquie. D'un maître à l'autre. Le père et le président. Le sultan veille à ce que tous les membres de sa famille mâle soient sous bonne garde. Pour arriver à constituer cette Turquie moderne, il a fallu nier le passé. The Turkish nation is democratic by nature. Nous allons turquifier, islamiser et moderniser les territoires qui nous restent. Les ombres des Arméniens, des Grecs sont emmurées dans l'oubli. Il y a deux modèles, et l'un d'eux est d'interdire, de faire taire ceux qui disent « je suis kurde ». La négation est la doctrine officielle, enseignée depuis l'école. Fabrice Meunier, deuxième jour en votre compagnie. Nous avons évoqué hier l'Empire ottoman, à grands traits évidemment, puisque quand il s'agit de séquences en 26 minutes, il faut savoir avoir l'esprit de synthèse et de résumé. On va passer à une période un peu plus contemporaine qui se situerait en gros à la charnière de la fin du 19e et début du 20e. On peut dire que, comme beaucoup d'empires, l'Empire ottoman, malgré les guerres, malgré les batailles, malgré les différents affrontements, connaît une phase plateau pendant d'assez longues décennies et qui a brutalement comme une sorte d'accélération de l'histoire au tout début du XXe siècle. Cette accélération de l'histoire, elle va être incarnée par un mouvement qui s'inscrit dans une phase plus vaste à l'échelle internationale, qui est celle des nationalismes. Cette entité-là se nomme les Jeunes Turcs. Est-ce qu'on peut, d'entrée de jeu, peut-être les présenter à la fois ce qu'ils sont sociologiquement, ces Jeunes Turcs, leur position politique, est-il précis ? J'ai cru comprendre en lisant vos lignes, puisque vous êtes responsable d'un hors-série Histoire et Civilisation paru par le journal Le Monde, avec un dossier Atatürk de l'Empire ottoman à la Turquie. Leur dossier à eux, leur actualité d'alors, se porte autour de la question de la Macédoine. Alors commençons peut-être déjà par le portrait de ces Jeunes Turcs. Oui, alors je vais vous brosser un portrait de ces Jeunes Turcs, mais avant je voudrais revenir sur la dernière émission, sur la date que je vous avais indiquée du début de la fin. C'est 1877-78, c'est une défaite face aux Russes qui est grave, une partie des Balkans devient dépendants ou passe entre les mains des Russes, c'est la naissance de la Bulgarie notamment, qui va avoir un statut tout particulier mais de facto devient indépendante, une partie des Balkans reste ottomane, cette partie des Balkans elle correspond notamment à la Macédoine actuelle et à l'Albanie, au nord de la Grèce. Et donc ça reste quand même des territoires considérables où s'exerce encore la loi du sultan. Ce sultan, c'est Abdulhamid II qui vient de monter sur le trône et qui entame un long règne de 33 ans. Et c'est sous son règne que naît effectivement ce mouvement Jeunes Turcs auquel vous faites allusion. Abdulhamid II va tout faire pour préserver, sauver ce qu'il reste de son empire, qui est toujours extrêmement étendu, mais désormais, l'Empire ottoman est totalement sur la défensive. Pour défendre son empire, si étendu qu'il soit, il a besoin d'alliés, il n'en trouve pas, et il a besoin d'une armée. Cette armée, il a besoin de la moderniser. Et pour la moderniser, il est obligé de créer des écoles d'officiers à l'occidental. Ces écoles d'officiers à l'occidental, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'aristocratie dans l'Empire ottoman, donc n'importe quel jeune musulman peut y accéder, d'autant plus que, contrairement à ce qui se passe d'ailleurs dans les écoles d'officiers françaises, anglaises ou allemandes de l'époque, il n'y a pas de condition de fortune. Les élèves même perçoivent une bourse, ce qui est tout à fait novateur. Ce qui veut dire, pour être très précis, que contrairement à ce qui se passe ailleurs, un garçon pauvre peut espérer faire une carrière d'officier. Nous le situons donc à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, nous sommes donc avant 14, c'est inenvisageable ailleurs en Europe. Parmi les jeunes gens qui vont suivre les cours de ces écoles, se trouvent des garçons issus souvent de cette Roumélie dont je vous ai parlé, de cette Turquie d'Europe, qui vont suivre un enseignement moderne pour l'Empire ottoman de l'époque, parce que donné par des officiers français d'abord, et puis souvent allemands ensuite, venus dans l'Empire ottoman, payés par l'Empire ottoman, pour enseigner l'art de la guerre, l'art moderne de la guerre, sur place. Et avec cet enseignement qui se fait en français, dans ces écoles militaires, circulent évidemment pas uniquement des manuels d'instruction militaire, mais aussi des livres. Et progressivement, un certain nombre de ces jeunes officiers, c'est aussi le cas de fonctionnaires ou d'intellectuels dans la capitale ou dans les grandes villes musulmanes de l'Empire à l'époque, on s'éveille aux idées nouvelles et notamment aux idées françaises. Et donc, ces officiers ont un modèle, c'est le modèle jacobin français qui se répand parmi eux comme étant la solution pour sauver l'Empire. Petite parenthèse, ces formateurs qui viennent de l'étranger, de France ou d'Allemagne, viennent-ils avec l'assentiment, l'accord de leur propre État ? Et en ce cas, peut-on parler d'une passerelle entre France, Empire ottoman, Allemagne, Empire ottoman ? Oui, c'est des missions qui sont envoyées dans l'Empire ottoman. Alors, avec à la demande de l'Empire ottoman, la France, l'Angleterre aussi en matière navale, l'Allemagne envoie des missions militaires pour former, réformer l'enseignement militaire. Il y a aussi, de façon purement contractuelle, des officiers français ou allemands qui vont dans l'Empire ottoman pour gagner de l'argent, tout simplement. Et, ce qui veut dire que l'Empire ottoman, vis-à-vis de cet Occident-là, n'est pas du tout perçu comme une menace. Si tel était le cas, on n'irait pas donner des atouts stratégiques notamment, non, des atouts intellectuels à son propre ennemi. Attention, nous sommes à une période où l'Empire ottoman est sur la défensive, à un moment où il est perçu partout comme étant en décadence, donc il n'est absolument plus une menace, il est plutôt une proie. Oui, moi, d'habitude, on peut aussi tirer sur une ambulance. Là, c'est pas le cas. Je crois que la dernière fois, je vous ai dit, l'Empire ottoman joue un rôle important dans l'équilibre européen. Français et anglais, notamment, ne souhaitent pas sa disparition. Alors, oui, à la marge, s'emparer d'un territoire ottoman, ils le font quand la situation le permet. Par exemple, la France va s'emparer de la Tunisie. Par exemple, l'Angleterre va mettre la main sur l'Égypte. Par exemple, l'Italie, c'est beaucoup plus tard, va s'emparer de la Libye. Par exemple aussi, l'Angleterre joue au Moyen-Orient, et notamment dans le Golfe Persique, un rôle prépondérant. Le Koweït, par exemple, passe en réalité sous domination britannique. Hein, le Koweït à l'entrée du Châtel arabe. Et tout cela pour l'Angleterre, avec le souci de protéger la fameuse route des Indes, de protéger le canal de Suez, de protéger la route qui, à travers le canal de Suez, mène jusqu'aux Indes. Mais en aucun cas une disparition totale, autrement dit. On peut grignoter à la marge. On peut grignoter à la marge. Les seuls dont on sait, et comme je vous l'ai dit, il est perçu par les Ottomans comme une menace, c'est la Russie. La Russie, elle, aurait un intérêt à sa disparition et à mettre la main sur la région des Détroits, du Bosphore et des Dardanelles, qui jouent un rôle stratégique considérable pour elle, puisque tout leur commerce de la mer Noire, ou en fait le blé que la Russie vend, passe par ces deux goulots d'étranglement. Donc la Russie sait que, en cas d'hostilité avec l'Empire ottoman, son commerce ne pourrait plus s'écouler par cette voie. Ce sera d'ailleurs le cas en 1914. On a situé l'émergence des jeunes Turcs grâce à vous, Fabrice Monnier. Maintenant, il faut peut-être avancer un peu de nouveau dans le temps et essayer de que vous nous aidiez à définir ce que va être leur positionnement politique, si toutefois ils ont un positionnement politique marqué, ou bien s'ils font partie de cette catégorie humaine qui sait s'adapter aux événements du moment, autrement dit, sont opportunistes. Oui, alors je reviens sur le règne de Abdulhamid II, qui montait sur le trône juste au moment où éclatait cette guerre avec la Russie, cette guerre perdue. Il se maintient sur ce trône de son mieux. Néanmoins, il ne peut empêcher ses jeunes officiers d'acquérir des idées, des principes progressistes pour l'époque et pour son empire. Notamment, un certain nombre de ses officiers ou de ses fonctionnaires vont être obligés de s'enfuir, découvert, démasqué, de partir. Et il va se créer des centres d'opposition jeunes turcs. Là, nous sommes passés aux années 1900-1910. Pour être précis, entre 1901 et 1908, date de la révolution jeune turque, un certain nombre de centres d'opposition existent. Ces opposants vont en Égypte, qui est sous contrôle britannique, comme je l'ai dit. Ils vont aussi en Europe, notamment ils vont en Suisse, ils vont à Genève. Il y a un centre jeune turc d'opposition très important à Genève. Ils vont à Paris, bien sûr. Pourquoi Genève et Paris? Parce que ils parlent français, je vous l'ai dit, dans les écoles militaires, dans les écoles d'administration de l'Empire ottoman. On apprend le français, c'est la langue internationale pour eux. On peut donc imaginer qu'à Genève, ils ont croisé Lénine, entre autres, et que... Ah, sans doute. Ouais. Sans doute, Genève est un nid révolutionnaire pour à cette époque. Encore plus probablement qu'une place bancaire. Qu'allez-vous penser là? Et certainement, il y a un certain nombre de complots qui se forment, parce que nous parlons des jeunes turcs. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi des révolutionnaires arméniens dans l'Empire. Et, vous savez que je vais parler des communautés chrétiennes, de l'éveil des nationalités. Les Arméniens pensent à l'émancipation, souhaite la création d'un État arménien. Sont décidés à en découdre? Alors, certains oui, d'autres non. Beaucoup sont en fait loyaux envers l'Empire, mais nous ne parlons ici que des intellectuels. Alors, pour ce qui concerne les Turcs, les intellectuels sont militaires ou administrateurs dans l'Empire. Il y a quelques journalistes, des médecins. Pour ce qui concerne la minorité arménienne, ce sont souvent des fils de bonnes familles arméniennes, les amiras, c'est-à-dire les familles riches arméniennes, qui ont eu l'occasion de faire des études à l'étranger, et qui évidemment, eux aussi, tout comme les jeunes turcs des écoles militaires ou des écoles d'administration, se sont frottés aux idées nouvelles. Et c'est l'aspiration générale de toutes les nationalités à avoir leur État, à créer ou à recréer un État indépendant. Il y a aussi, ne l'oublions pas, en Macédoine, l'Organisation révolutionnaire intérieure de Macédoine, l'ORIM, qui mène une guérilla très active en Macédoine. Et nous allons parler de la Macédoine, parce que c'est de là d'où va partir cette révolution de 1908. Bir çalgıyım göğsüne yaslanmış, parmaklarından çıkar iniltilerim. Dudağı 7 yıllık sirkeye tatlılık verir. Kuru dikenler de gülünden güzelleşir. Bakışından donmuş, gönüle bir kıvanmadır gelir. Ölmüş kara taşa, yürüyüşünden can erişir. Sur yanından geçerken en büyük ateş. Diriler bir bakışıyla erenlere yetişir. Öyküler anlatsa bir ölüye sevdiğim güzel. Dinlemek için sıçrar mezarından dirilir. Söz yok güzelliğine alamanın boyunun. Güzelliği yerin altını üstüne getirir. Her adım bir ateştir ayrılığından onun. Sevdim diye kınamalarla yüreğim tükenir. La Macédoine, donc cette région des Balkans, demeurée ottomane au lendemain de cette guerre de 1877-78 dont j'ai parlé, est pendant tout la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, le théâtre, donc une guerre civile, une quasi-guerre civile, puisque des groupes chrétiens, donc formés de paysans chrétiens, soutenus par la Bulgarie, la Serbie et la Grèce, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'Orim, mènent une guérilla dans les montagnes macédoniennes contre l'armée ottomane, qui n'arrive pas à en finir. La Macédoine est une préoccupation européenne. Vers 1907-1908, il est question que l'Europe intervienne d'une manière ou d'une autre. Pardon de vous interrompre, mais c'est quasiment l'ancêtre des guerres modernes, cette question de la guérilla contre une armée a priori solidement constituée. Oui, l'armée ottomane est solidement constituée, elle a été réformée, modernisée, néanmoins, elle ne parvient pas à l'emporter sur la guérilla. Il y a le terrain. Le terrain joue. À l'époque, il n'y a pas d'aviation, pas d'hélicoptère, pas les moyens d'aller traquer dans les montagnes des guerrieros soutenus par la population, par une grande partie de la population. Les officiers donc qui sont affectés à ce théâtre d'opération sont évidemment les plus doués, sont les meilleurs. À peu près, ça c'est mon estimation personnelle, mais je pense qu'approximativement la moitié de l'armée ottomane est employée à lutter contre cet immense empire. Donc toutes les autres garnisons sont dégarnies pour mettre fin à cette guérilla, notamment les officiers les plus doués, et notamment tous ceux qui ont été formés dans des écoles militaires, qui sont donc souvent des progressistes. Et c'est à Thessalonique, mais à l'époque on dit Salonique, que par un mouvement militaire contre le sultan Abdulhamid II, mouvement militaire conduit par des officiers subalternes, hein, pas par des généraux, mais par des lieutenants, des capitaines excédés de l'impuissance du pouvoir contre, comme tous les militaires, ils considèrent que le pouvoir ne les aide pas assez, ne leur donne pas assez d'équipement, de renfort. Surtout, ils ont peur qu'il y ait une intervention européenne et que la Macédoine fasse l'objet d'une internationalisation d'une manière ou d'une autre. Et brutalement, ils prennent le contrôle de la ville, le grand port international à l'époque de Salonique. De Salonique, ils adressent toute une série de télégrammes à Istanbul, donc à l'époque Constantinople, pour mettre en demeure le sultan d'accepter un certain nombre de réformes qu'il juge utiles ou nécessaires à la survie de l'Empire. Quelle est la réaction ? Le sultan, qui aurait pu probablement envoyer des troupes contre eux, cède immédiatement. Et intelligence. Alors à l'époque, on parle de la révolution jeune turque, mais comme vous le voyez, c'est plutôt un coup d'État militaire. On aurait pu dire presque, comme ça se passait à l'époque en Amérique du Sud, un pronunciamento, c'est-à-dire l'armée indique que voilà, les choses doivent changer et que de nouveaux hommes doivent être mis au pouvoir, que les réformes doivent être engagées, dicte ces conditions, sort de ses casernes, mais il n'y a pas de combat à proprement parler. Le sultan s'incline, Abdulhamid II reste sur son trône, mais pas pour longtemps. Il va y avoir un contre-coup d'état militaire un an plus tard de la part de, alors cette fois-ci, de simples soldats musulmans inquiets de voir ces jeunes turcs progressistes dicter des conditions, exiger des réformes qui leur paraissent, et à juste titre d'ailleurs, qui leur paraissent absolument contraires à l'islam. Et cette fois-ci, Abdulhamid II est détrôné, part dans une prison dorée et lui succède sur le trône un de ses frères. Encore une fois, le principe du seigneuriat s'applique. C'est le plus âgé de ses frères, en fait un demi-frère, des Ottomans vivants à cette époque, qui lui succède sur le trône. Ce sultan va être la marionnette d'un nouveau pouvoir, qui est le pouvoir jeune turc, qui va s'exercer jusqu'en 1914. En 1914, un triumvirat préside aux destinées de l'Empire. Ce sont les jeunes turcs unionistes. Ils se nomment Cemal Pasha, Enver Pasha et Talaat Pasha. Fascinés par l'exemple de l'Occident, ils considèrent que seul un nationalisme radical peut sauver leur héritage. Les jeunes Turcs, eux aussi, rêvent de révolution, de nation et de modernité à l'européenne. Fabrice Meunier, vous évoquez le mot de réforme. Est-ce qu'on peut peut-être se pencher un peu justement sur le projet politique, puisque s'il y a une demande de réforme, elle porte sur quel point précisément? précis, est-ce qu'il y a, on ne va pas faire le tour de l'ensemble de la demande des réformes de ces jeunes Turcs, mais est-ce qu'il y a des points notables qui sont à souligner ? Ce que veulent les jeunes Turcs, c'est avant tout un État fort. Ils veulent un État fort qui puisse protéger l'Empire. Renforcer le centre, donc. Donc centraliser bien plus qu'il ne l'est encore à l'époque, l'Empire ottoman. Mais pourtant, il est centralisé, puisque le pouvoir, vous nous le disiez, est incarné par un homme. Comment renforcer ce centre ? Comment renforcer ce centre ? Il pense que le meilleur moyen de sauver l'Empire est de l'organiser rationnellement. Il n'est pas organisé rationnellement. De l'organiser selon le modèle jacobin français. C'est-à-dire, c'est le modèle français qui... C'est le modèle français qu'ils connaissent, d'ailleurs, qui est le seul modèle qu'ils connaissent réellement, qu'ils veulent appliquer. C'est paradoxal, parce qu'on n'est pas dans une période du côté français où le pouvoir central, le pouvoir jacobin, est à son apogée. On n'est pas sous un Napoléon Ier, le petit. On est plutôt au début du siècle. Il devrait, en réalité, en fait, c'est bien une preuve, là encore, de l'état d'arriération de l'Empire ottoman, d'arriération politique. Leur modèle est un modèle, effectivement, dépassé de mode, mais important pour... parce qu'une fois encore, c'est le seul qu'ils connaissent, c'est le modèle français. Ils ne sont pas socialistes, alors que, vous l'aviez dit, ils auraient pu croiser Lénine, ou en tout cas des marxistes russes dans les rues de Genève ou de Lausanne à cette époque-là. Il n'y a pas de consanguinité, là. Il n'y a aucune, d'autant plus, et je le répète, qu'ils se méfient de tout ce qui est russe, y compris révolutionnaire. Une fois encore, l'ennemi pour un Turc, quelles que soient ses idées politiques, c'est le russe. Le danger, il vient de Russie. Donc un modèle russe, pour eux, c'est douteux. La Turquie, on peut étudier peut-être une première étape du rapport du désir de l'homme providentiel dans ce début du XXe siècle. L'homme providentiel se nomme Mustafa Kemal Pacha. On pourrait presque le surnommer Monsieur Efficacité. Est-ce qu'on peut dire un mot peut-être de sa formation, de son parcours, et en quoi est-il un Monsieur Efficacité ? Mustafa Kemal est originaire de cette ville de Salonique dont nous venons de parler. Il est issu d'un milieu très pauvre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a bénéficié de ce système de bourse pour intégrer des écoles militaires. Il s'est révélé brillant, le jeune Mustafa s'est révélé si brillant qu'on lui a accolé ce sobriquet de Kemal. Kemal, ça veut dire Mustafa le brillant, tout bonnement. Il a poursuivi une ascension dans les écoles ottomanes militaires de l'époque jusqu'à rentrer à l'école de guerre de Constantinople. À l'école de guerre, là encore, il s'est fait remarquer comme étant un élément prometteur, et il a intégré le cours d'état-major. Ce qui fait que c'est au moment où la révolution jeune turque éclate, un jeune officier breveté d'état-major. Mais le paradoxe, c'est que justement, alors que l'avenir pour voir qu'il a un grand sens politique, il loupe la marche du coup d'état de 1908. Il n'y croit pas. Le coup d'état est réalisé par d'autres, qui sont ses amis, avec lesquels il sympathise, mais... Pour lui, c'est trop précoce. Pour lui, ça ne devait pas fonctionner. Effectivement, en théorie, ça n'aurait pas dû fonctionner, mais comme beaucoup de choses... Hein. Et donc, ce sont d'autres qui se font remarquer, qui sont ses amis, hein. Il est un jeune Turc, celui qui probablement va connaître l'ascension la plus foudroyante, est un autre officier qui s'appelle Enver Pacha. Enver Bey, donc, Enver Bey, qui sera par la suite Enver Pacha quand il atteindra le grade de général. Ces figures des jeunes Turcs, quand on vous les entend nous les présenter, on a vraiment l'impression effectivement d'une sorte de clone du modèle français, en termes de méritocratie. Oui, oui, oui, ils croient en la méritocratie. Ce sont tous des garçons qui lisent. Ils sont malheureusement, ceux qui lisent, on peut dire ça de beaucoup de gens, ce qu'ils le comprennent bien. Notamment, malheureusement, les théories de Darwin les impressionnent beaucoup. Aïe. Les théories aussi, encore plus, ils sont séduits par l'œuvre de Gustave Le Bon. Et l'auteur d'un certain ouvrage, La Foule. La psychologie des foules. La psychologie des foules, oui. Livre de chevet d'Adolf Hitler. Dit-on, enfin, qui a influencé, en tout cas, qui a été lu par beaucoup de gens et médité. Ouvrage très intéressant, d'ailleurs, qui mérite encore aujourd'hui d'être étudié. Nous y reviendrons. J'encourage la lecture de Gustave Le Bon pour comprendre la psychologie des masses, des foules. Certainement, ils vont être pris par deux problèmes. Le problème numéro un, c'est encore une fois l'éveil des nationalités dans l'Empire ottoman, le fait que, aux yeux des nationalités, des minoritaires chrétiens, ils ne sont pas aptes à gérer l'Empire. Le second problème, c'est que quelques réformes qu'ils veulent mettre en place, ils manquent cruellement d'argent et n'ont pas de moyens financiers. Et ils s'aperçoivent très vite que finalement, ce sultan Abdulhamid II qu'ils ont renversé, eh bien, jouait très habilement les puissances les unes contre les autres, les grandes puissances les unes contre les autres. Il entretenait un flirt certainement avec l'Allemagne, d'où d'ailleurs la présence, comme je l'ai dit tout à l'heure, de missions militaires allemandes, d'officiers allemands dans l'Empire ottoman, mais il n'était pas l'allié d'Allemagne. Il entretenait un flirt avec l'Angleterre, il y avait aussi des officiers et des conseillers financiers britanniques dans l'Empire ottoman. Il n'avait pas coupé les ponts avec la France. Il y avait une présence française importante dans l'Empire ottoman. En réalité, le sultan savait s'y prendre pour que chacun y trouve son compte. Par ailleurs, c'était un homme qui savait utiliser ses caisses noires pour acheter l'opinion des gens qui comptent. Et on sait aujourd'hui qu'une bonne partie de la presse française était subventionnée par ce grand Machiavel qu'était Abdulhamid II. Fabrice Magnan se retrouvera demain pour avancer encore un peu plus dans l'histoire. Nous passerons à la phase suivante et notamment au bonhomme suivant, non des moindres, un certain Atatürk. Merci encore de votre présence au micro d'Histoire Vivante pour évoquer cette semaine l'Empire ottoman dans la perspective du prochain documentaire à venir dimanche soir sur RTS2, un documentaire qui sera signé Jean-François Colosimo, qui sera à notre micro sous peu. À demain. Neden geldim İstanbul'a? Neden geldim İstanbul'a? Tutuldum kaldım avara. Tutuldum kaldım avara. Şimdi bin kere pişman. Şimdi bin kere pişmanım. Vakit geçti ah ne çare. Vakit geçti ah ne çare. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Jean-Philippe Tsalen, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.